18e chapitre. Or, le bruit de ces événements se répandit le soir même à Hunebourg, et toute la ville en fut étonnée. Chacun se disait « Comment se fait-il que M. Cobus, cet homme riche, cet homme considérable, épouse une simple fille des champs, la fille de son propre fermier, lui qui, depuis 15 ans, a refusé tant de beaux partis ?» On s'arrêtait au milieu des rues pour se raconter cette nouvelle étrange. On en parlait sur le seuil des maisons, dans les chambres et jusqu'au fond des cours. L'étonnement ne finissait pas. C'est ainsi que Schultz, Hahn, Speck et les autres amis de Fritz apprirent ces choses merveilleuses. Et le lendemain, réunis à la brasserie du Grand Cerf, ils en causaient entre eux, disant « Que c'est une grande folie de se marier avec une femme d'une condition inférieure à la nôtre, que de là résultent les ennuis et les jalousies de toutes sortes, qu'il vaut mieux ne pas se marier du tout, qu'on ne voit pas un seul mari sur la terre aussi content, aussi riant, aussi bien portant que les vieux garçons. » « Oui, s'écria Schultz, indigné de n'avoir pas été prévenu par Cobus. « Maintenant, nous ne verrons plus le gros Fritz. Il va vivre dans sa coquille et tâcher de retirer ses cornes à l'intérieur. Voilà comme l'âge alourdit les hommes. Quand ils sont devenus faibles, une simple fille des champs les dompte et les conduit avec une faveur rose. Il n'y a que les vieux militaires qui résistent. C'est ainsi que nous verrons le bon Cobus et nous pouvons bien lui dire « Adieu, adieu, repose en paix ». Comme lorsqu'on enterre le mardi gras. Hahn regardait sous la table, tout rêveur, et vidait les cendres de sa grosse pipe entre ses genoux. Mais, comme à force de parler, on avait fini par reprendre haleine, il dit à son tour « Le mariage est la fin de la joie, et, pour ma part, j'aimerais mieux me fourrer la tête dans un fagot d'épines que de me mettre cette corde au cou. Malgré cela, puisque notre ami Cobus s'est converti, chacun doit avouer que sa petite Suzel était bien digne d'accomplir un tel miracle. Pour la gentillesse, l'esprit, le bon sens, je ne connais qu'une seule personne qui lui soit comparable, et même supérieure, car elle a plus de dignité dans le port. C'est la fille du bourgmestre de Bichem, une femme superbe avec laquelle j'ai dansé le Trialines. » Alors Schultz s'écria que ni Suzel, ni la fille du bourgmestre n'étaient dignes de dénouer les cordons des souliers de la petite femme rousse qu'il avait choisie. Et la discussion s'animant de plus en plus, continua de la sorte jusqu'à minuit, moment où le Wartmann vint prévenir ces messieurs que la conférence était close provisoirement. Le même jour, on dressait le contrat de mariage chez Fritz. Comme le tabellion Münz venait d'inscrire les biens de Cobus et que Suzel, elle, n'avait rien à mettre en ménage que les charmes de la jeunesse et de l'amour, le vieux David, se penchant derrière le notaire, lui dit « Mettez que le Rebbe David Zichel donne à Suzel en dot les 3 arpents de vigne du Sonneberg, lesquels produisent le meilleur vin du pays. » « Mettez cela, Münz !» Fritz s'étant redressé tout surpris, car ces 3 arpents lui appartenaient, le vieux Rebbe, levant le doigt, dit en souriant « Rappelle-toi, Cobus, rappelle-toi notre discussion sur le mariage à la fin du dîner, il y a 3 mois, dans cette chambre !» Alors Fritz se rappela leur pari. « C'est vrai, » dit-il en rougissant, « ces 3 arpents de vigne sont à David, il me les a gagnés. » Mais puisqu'il les donne à Suzel, je les accepte pour elle. Seulement, ajoutez qu'il s'en réserve la jouissance. Je veux qu'il puisse en boire le vin jusqu'à l'âge avancé de son grand-père Mathusalem. C'est indispensable à mon bonheur. Et mettez aussi, Münz, que Suzel apporte en dot la ferme de Meisenthal, que je lui donne en signe d'amour. Christel et Ortel la cultiveront pour leurs enfants. Cela leur fera plus de plaisir. » C'est ainsi que fut écrit le contrat de mariage. Et quant au reste, quant à l'arrivée de Joseph Almani, de Bogl et d'Andrès, accourant de 15 lieues faire de la musique à la noce de leur ami Cobus, quant au festin, ordonné par la vieille Cattle, selon toutes les règles de son art, avec le concours de la cuisinière du bœuf rouge, quant à la grâce naïve de Suzel, à la joie de Fritz, à la dignité de Hahn et de Schultz, ces garçons d'honneur, à la belle allocution de monsieur le pasteur Diemer, au grand bal que le vieux Rebbe David ouvrit lui-même avec Suzel, au milieu des applaudissements universels, quant à l'enthousiasme de Joseph, jouant du violon d'une façon tellement extraordinaire que la moitié de Hunebourg se tint sur la place des Acacias pour l'entendre, jusqu'à 2 heures du matin, quant à tout cela, ce serait une histoire aussi longue que la première. Qu'il vous suffise donc de savoir qu'environ 15 jours après son mariage, Fritz réunit tous ses amis à dîner dans la même salle où Suzel était venu s'asseoir au milieu d'eux 3 mois avant, et qu'il déclara hautement que le vieux Rebbe avait eu raison de dire qu'en dehors de l'amour, tout n'est que vanité, qu'il n'existe rien de comparable, et que le mariage avec la femme qu'on aime est le paradis sur la terre. Et David Zichel, alors tout ému, prononça cette belle sentence qu'il avait lue dans un livre hébraïque et qu'il trouvait sublime, quoiqu'elle ne fût pas du Vieux Testament. Mais bien aimé, aimons-nous les uns les autres. Quiconque aime les autres connaît Dieu. Celui qui ne les aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.